La cité de Dieu de saint Augustin, livre 15e, Avant le déluge. Édition Charpentier 1855, tome 3e. Traduction par Monsieur Émile, Edmond, Cesset. Chapitre 16. Des mariages entre proches, permis autrefois, à cause de la nécessité. Le besoin qu'avait le monde d'être peuplé, et le défaut d'autres hommes que ceux qui étaient sortis de nos premiers parents, rendirent indispensable entre frères et sœurs des mariages qui seraient maintenant des crimes énormes, à cause de la défense que la religion en a faite depuis. Cette défense est fondée sur une raison très juste, puisqu'il est nécessaire d'entretenir l'amitié et la société parmi les hommes, or, ce but est mieux atteint par les alliances entre étrangers que par celles qui unissent les membres d'une même famille, lesquels sont déjà unis par les liens du sang. Père et beau-père sont des noms qui désignent deux alliances. Lors donc que ces qualités sont partagées entre différentes personnes, l'amitié s'étend et se multiplie davantage. Adam était obligé de les réunir en lui seul, parce que ses fils ne pouvaient épouser que leur sœur. Ève, de même, était à la fois la mère et la belle-mère de ses enfants, comme les femmes de ses fils étaient ensemble ses filles et ses brus. La nécessité, je le répète, excusait alors ces sortes de mariages. Depuis que les hommes se sont multipliés, les choses ont bien changé sous ce rapport, même parmi les idolâtres. Ces alliances ont beau être permises en certains pays, par exemple chez les Perses et les Égyptiens, une plus louable coutume a proscrit cette licence, et nous en avons autant d'horreur que si cela ne s'était jamais pratiqué. Véritablement la coutume fait une merveilleuse impression sur les esprits, et, comme elle sert ici à arrêter les excès de la convoitise, on ne saurait la violer sans crime. S'il est injuste de remuer les bornes des terres pour envahir l'héritage d'autrui, combien l'est-il plus de renverser celle des bonnes mœurs par des unions illicites? Nous avons éprouvé, même de notre temps, dans le mariage des cousins germains, combien il est rare que l'on suive la permission de la loi, lorsqu'elle est opposée à la coutume. Bien que ces mariages ne soient point défendus par la loi de Dieu, et que celles des hommes n'en eussent point encore parlé, suivant Aurelius Victor, ce fut l'empereur Théodose qui, le premier, interdit les mariages entre cousins. Toutefois on en avait horreur à cause de la proximité du degré, et parce qu'il semble que ce soit presque faire avec une sœur ce que l'on fait avec une cousine germaine. Aussi voyons-nous que les cousins et les cousines à ce degré s'appellent frères et sœurs. Il est vrai que les anciens patriarches ont eu grand soin de ne pas trop laisser éloigner la parenté et de la rapprocher en quelque sorte par le lien du mariage, de sorte qu'encore qu'ils n'épousassent pas leurs sœurs, ils épousaient toujours quelques personnes de leur famille. Voyez la Genèse 24:3, 4 et 28, 1, 2. Mais qui peut douter qu'il ne soit plus honnête de nos jours de défendre le mariage entre cousins germains, non seulement pour les raisons que nous avons alléguées, afin de multiplier les alliances et n'en pas mettre plusieurs en une seule personne, mais aussi parce qu'une certaine pudeur louable fait que nous avons naturellement honte de nous unir, même par mariage, aux personnes pour qui la parenté nous donne du respect. Ainsi l'union de l'homme et de la femme est comme la pépinière des villes et des cités, mais la cité de la terre se contente de la première naissance des hommes, au lieu que la cité du ciel en demande une seconde pour effacer la corruption de la première. Or, l'histoire sainte ne nous apprend pas si, avant le déluge, il y a eu quelques signes visibles et corporels de cette régénération, comme fut depuis la circoncision. Genèse 17, 10, 11. Elle rapporte toutefois que les premiers hommes ont fait des sacrifices à Dieu, comme cela se voit clairement par ceux de Caïn et d'Abel, et par celui de Noé au sortir de l'arche, Genèse 8, 20. Et nous avons dit à ce sujet, dans les livres précédents, que les démons qui veulent usurper la divinité et passer pour Dieu n'exigent des hommes ces sorts d'honneur que parce qu'ils savent bien qu'ils ne sont dus qu'au vrai Dieu. Chapitre 17. Des deux chefs de l'une et l'autre cité issus du même père. Comme Adam était le père de ces deux sorts d'hommes, tant de ceux qui appartiennent à la cité de la terre que de ceux qui composent la cité du ciel, après la mort d'Abel, qui figurait un grand mystère. Ce mystère est sans doute la mort du Christ. Il y eut deux chefs de chaque cité, Caïn et Seth, dans la postérité de qui l'on voit paraître des marques plus évidentes de ces deux cités. En effet, Caïn engendra Enoch et bâtit une cité de son nom, laquelle n'était pas étrangère ici-bas, mais citoyenne du monde, et mettait son bonheur dans la possession paisible des biens temporels. Or, Caïn veut dire possession, d'où vient que quand il fut né, son père ou sa mère dit « J'ai acquis, la Vulgate porte, je suis entré en possession, un homme par la grâce de Dieu. » Genèse 6, 1. Et Enoch signifie dédicace, à cause que la cité de la terre est dédiée en ce monde même où elle est fondée, parce que dès ce monde elle atteint le but de ses désirs et de ses espérances. 7, au contraire, veut dire résurrection, Enos, son fils, signifie homme, nom comme Adam qui, en hébreu, est un nom commun à l'homme et à la femme, suivant cette parole de l'Écriture. Il les créa hommes et femmes, et les bénit et les nomma Adam. Genèse 5, 2. Ce qui fait voir qu'Ève s'appelait aussi Adam, d'un nom commun aux deux sexes. Mais Enos signifie tellement un homme, que ceux qui sont versés dans la langue hébraïque assurent qu'il ne peut pas être dit d'une femme. Enos est en effet le fils de la résurrection, où il n'y aura plus de mariage. Luc 20, 35. Car il n'y aura point de génération dans l'endroit où la génération nous aura conduits. Je crois, pour cette raison, devoir remarquer ici que, dans la généalogie de Seth, il n'est fait nommément mention d'aucune femme, au lieu que, dans celle de Caïn, il est dit « Mathusalem engendra Lamech, et Lamech épouse deux femmes, l'une appelée Ada, et l'autre Séla, et Ada enfanta Jobel. Celui-ci fut le père des bergers, le premier qui habita dans des cabanes. Son frère s'appelait Jubal, l'inventeur de la harpe et de la cithare. Séla eut à son tour Tobel, qui travaillait en fer et en cuivre. Sa sœur s'appelait Noéma. Genèse 4, 18 et 22. Là finit la généalogie de Caïn, qui est toute comprise en 8 générations en comptant Adam, 7 jusqu'à Lamech, qui épousait 2 femmes, et la 8e dans ses enfants, parmi lesquels l'Écriture fait mention d'une femme. Elle insinue par là qu'il y aura des générations charnelles et des mariages jusqu'à la fin dans la cité de la terre, et de là vient aussi que les femmes de Lamech, le dernier de la lignée de Caïn, sont désignés par leur nom, distinction qui n'est point faite pour d'autres que pour Ève avant le déluge. Or, comme Caïn, fondateur de la cité de la terre, et son fils Enoch, qui nomma cette cité, marque par leur nom, dont l'un signifie possession et l'autre dédicace, que cette même cité a un commencement et une fin, et qu'elle borne ses espérances à ce monde-ci, de même Seth, qui signifie résurrection, étant le père d'une postérité dont la généalogie est rapportée à part, il est bon de voir ce que l'histoire sainte dit de son fils. Chapitre 18. Figure de Jésus-Christ et de son Église dans Zédan, Céthéenos. 7. Dit la Genèse, eut un fils, qu'il appela Enos, celui-ci mit son espérance à invoquer le nom du Seigneur. Genèse 4, 26. Voilà le témoignage que rend la vérité. L'homme donc, fils de la résurrection, vit en espérance tant que la cité de Dieu, qui naît de la foi dans la résurrection de Jésus-Christ, est étrangère en ce monde. La mort et la résurrection du Sauveur sont figurées par ces deux hommes, par Abel, qui signifie deuil, et par Seth, son frère, qui veut dire résurrection. C'est par la foi en Jésus ressuscité qu'est engendrée ici-bas la cité de Dieu, c'est-à-dire l'homme qui a mis son espérance à invoquer le nom du Seigneur. Car nous sommes sauvés par l'espérance, dit l'apôtre. Or, quand on voit ce qu'on avait espéré voir, il n'y a plus d'espérance, car qui espère voir ce qu'il voit déjà? Que si nous espérons voir ce que nous ne voyons pas encore, c'est la patience qui nous le fait attendre. Romains 8, 24, 25. En effet, qui ne jugerait qu'il y a ici quelque grand mystère? Abel n'a-t-il pas mis son espérance à invoquer le nom du Seigneur, lui dont le sacrifice fut si agréable à Dieu, selon le témoignage de l'Écriture? Seth n'a-t-il pas fait aussi la même chose, lui dont il est dit « Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel » Genèse 4, 25. Pourquoi donc attribuer particulièrement à Enos ce qui est commun à tous les gens de bien, sinon parce qu'il fallait que celui qui naquit le premier du Père des prédestinés à la cité de Dieu figure à l'assemblée des hommes qui ne vivent pas selon l'homme dans la possession d'une félicité passagère, mais dans l'espérance d'un bonheur éternel? Il n'est pas dit, celui-ci espéra dans le Seigneur. Ou, celui-ci invoqua le nom du Seigneur, mais, celui-ci mit son espérance à invoquer le nom du Seigneur. Que signifie, mit son espérance à invoquer, si ce n'est l'annonce prophétique de la naissance d'un peuple qui, selon l'élection de la grâce, invoquerait le nom de Dieu? C'est ce qui a été dit par un autre prophète, et l'apôtre l'explique de ce peuple qui appartient à la grâce de Dieu. Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Romains 10, 15 et Joël 71, 32. Ces paroles de l'Écriture, il l'appela Enos, c'est-à-dire l'homme, et ensuite, celui-ci mit son espérance à invoquer le nom du Seigneur, montre bien que l'homme ne doit pas placer son espérance en lui-même. Comme il est écrit ailleurs, maudit est quiconque met son espérance en l'homme. Jérémie 17, 5. Personne par conséquent ne doit non plus la mettre en soi-même, afin de devenir citoyen de cette autre cité qui n'est pas dédiée sur la terre par le fils de Caïn, c'est-à-dire pendant le cours de ce monde périssable, mais dans l'immortalité de la béatitude éternelle. Chapitre 19. Ce que figure le ravissement d'Enoch. Cette lignée, dont c'était le père, a aussi un nom qui signifie dédicace dans la septième génération depuis Adam, en y comprenant Adam lui-même. En effet, Enoch, qui signifie dédicace, est né le septième depuis lui, mais c'est cet Enoch, si agréable à Dieu, qui fut transporté hors du monde, et qui, dans l'ordre des générations, tient un rang remarquable, en ce qu'il désigne le jour consacré au repos. Il est aussi le sixième, à compter depuis Seth, c'est-à-dire depuis le père de ces générations qui sont séparées de la lignée de Caïn. Or, C'est le sixième jour que l'homme fut créé et que Dieu acheva tous ses ouvrages. Mais le ravissement d'Enoch marque le délai de notre dédicace. Il est vrai qu'elle est déjà faite en Jésus-Christ, notre chef, qui est ressuscité pour ne plus mourir et qui a été lui-même transporté, mais il reste une autre dédicace, celle de toute la maison dont Jésus-Christ est le fondateur, et celle-là est différée jusqu'à la fin des siècles, où se fera la résurrection de tous ceux qui ne mourront plus. Il n'importe au fond qu'on l'appelle la maison de Dieu, ou son temple, ou sa cité, car nous voyons Virgile donner à la cité dominatrice par excellence le nom de la maison d'Assaracus, désignant ainsi les Romains, qui tirent leur origine de ce prince par les Troyens. Il les appelle aussi la maison d'aînés, parce que les Troyens, qui bâtirent dans la suite la ville de Rome, arrivèrent en Italie sous la conduite d'Énée, Énéide, livre 1, 284 et livre 3, 97. Le poète a imité en cela les saintes lettres qui nomment le peuple nombre des Israélites la maison de Jacob. Chapitre 20. Comment la postérité de Caïn est renfermée en 8 générations, et pourquoi Noé appartient à la 10e depuis Adam. Quelqu'un dira, si celui qui a écrit cette histoire avait l'intention, dans le dénombrement de ses générations, de nous conduire d'Adam par Seth jusqu'à Noé, sous qui arriva le déluge, et de Noé à Abraham, auquel l'évangéliste saint Matthieu commence les générations qui mènent à Jésus-Christ, roi éternel de la cité de Dieu, quel était son dessein dans le dénombrement de celle de Caïn, et jusqu'où prétendait-il aller? Je réponds. Jusqu'au déluge, où toute la race des habitants de la cité de la terre fut engloutie, mais réparée par les enfants de Noé. Quant à cette société d'hommes qui vivent selon l'homme, elle subsistera jusqu'à la fin du siècle dont notre Seigneur a dit. Les enfants de ce siècle engendrés sont engendrés. Luc 20, 34. Mais, pour la cité de Dieu qui est étrangère en ce siècle, la régénération la conduit à un siècle dont les enfants n'engendrent ni ne sont engendrés. Ici-bas donc, il est commun à l'une ou à l'autre cité d'engendrer et d'être engendré. Quoique la cité de Dieu ait des semons plusieurs milliers de citoyens qui vivent dans la continence, mais l'autre en a aussi quelques-uns qui les imitent en cela, bien qu'ils soient dans l'erreur sur tout le reste. À cette société appartiennent aussi ceux qui, s'écartant de la foi, ont formé diverses hérésies, et qui, par conséquent, vivent selon l'homme et non selon Dieu. Les gymnosophistes des uns qui, dit-on, philosophes nus au milieu des forêts, sont de ces citoyens, et néanmoins ils s'abstiennent du mariage. Aussi la continence n'est-elle un bien que quand on la garde pour l'amour du souverain bien qui est Dieu. On ne voit pas toutefois que personne l'ait pratiquée avant le déluge, puisqu'Enoch même, ravi du monde pour son innocence, engendra des fils et des filles, et entre autres Mathusalem qui continue l'ordre des générations choisies. Pourquoi compte-t-on un si petit nombre d'individus dans les générations de Caïn, si elles ont jusqu'au déluge et si les hommes en ce temps-là étaient en état d'avoir des enfants d'aussi bonne heure qu'aujourd'hui? Si l'auteur de la Genèse n'avait pas eu en vue quelqu'un auquel il voulut arriver par une suite de générations, comme c'était son dessein à l'égard de celle de la postérité de Seth, qu'il voulait conduire jusqu'à Noé, pour reprendre ensuite l'ordre des générations jusqu'à Abraham, qu'était-il besoin de passer les premiers-nés pour arriver à la Mecque, auquel finit cette généalogie, c'est-à-dire à la 8e génération depuis Adam, et à la 7e depuis Caïn? Comme si de là il eût voulu passer à quelque autre généalogie pour arriver au peuple d'Israël, en qui la Jérusalem terrestre même a servi de figure à la cité céleste, ou à Jésus-Christ comme homme, qui est le Dieu suprême élevé au-dessus de toutes choses. Romains 9, 5, béni dans tous les siècles, et le fondateur et le roi, de la Jérusalem du ciel. Qu'était-il besoin, dis-je, d'en user de la sorte, attendu que toute la postérité de Caïn fut exterminée par le déluge? Cela pourrait faire croire que ce sont les premiers-nés qui sont nommés dans cette généalogie. Mais pourquoi y a-t-il si peu de personnes, si, comme nous l'avons dit, les hommes avaient des enfants en ce temps-là d'aussi bonne heure qu'ils en ont à présent? Supposez qu'ils eussent tous 30 ans quand ils commencèrent à en avoir, comme il y a 8 générations en comptant Adam et les enfants de Lamech, 8 × 30 font 240 ans. Or, est-il croyable qu'ils n'aient point eu d'enfants tout le reste du temps jusqu'au déluge? Et, s'ils en ont eu, pourquoi l'Écriture n'en fait-elle point mention? Depuis Adam jusqu'au déluge, il s'est écoulé 2262 ans, selon nos livres, et 1656, selon les Hébreux. Lors donc que nous nous arrêterions à ce dernier nombre comme au véritable, si de 1656 ans on retranche 240, reste 1400 ans et quelque chose de plus. Or, peut-on s'imaginer que la postérité de Caïn soit demeurée pendant tout ce temps-là sans avoir des enfants? Mais il faut se rappeler ici ce que nous avons dit, lorsque nous demandions comment il se peut faire que ces premiers hommes, qui n'avaient aucun dessein de garder la continence, se soient pu contenir si longtemps. Nous avons en effet montré qu'il y a deux moyens de résoudre cette difficulté. Ou, et, disant que, comme ils vivaient si longtemps ils n'étaient pas si tôt en âge d'engendrer, et que les enfants dont il est parlé dans ces généalogies ne sont pas les aînés, mais ceux qui servirent à perpétuer l'ordre des générations, jusqu'au déluge. Si donc dans celle de Caïn l'auteur de la Genèse n'a pas eu cette intention comme dans celle de Seth, il faudra avoir recours à l'autre solution, et dire qu'en ce temps-là les hommes n'étaient capables d'avoir des enfants qu'après 100 ans. Il se peut faire néanmoins que cette généalogie de Caïn n'aille pas jusqu'au déluge, et que l'Écriture sainte, pour quelque raison que j'ignore, ne les portait que jusqu'à Lamech et à ses enfants. Indépendamment de cette réponse que les hommes avaient des enfants plus tard en ce temps-là, il se peut que la cité bâtie par Caïn ait étendu au loin sa domination et ait eu plusieurs rois de père en fils, les uns après les autres, sans garder l'ordre de primogéniture. Caïn a pu être le premier de ces rois, son fils Hénoc, qui donna le nom au siège de cet empire, le second, le troisième, Gaïdad, fils d'Hénoc, le quatrième, Maniel, fils de Gaïdad, le cinquième, Mathusaël, fils de Maniel, et le sixième, Lamech, fils de Mathusaël, qui est le septième depuis Adam par Caïn. Il n'était pas nécessaire que les aînés succédassent à leur père. Le sort, ou le mérite, ou l'affection du père appelait indifféremment un de ses fils à la couronne. Rien ne s'oppose à ce que le déluge soit arrivé sous le règne de Lamech et l'ait fait périr avec les autres. Aussi voyons-nous que l'Écriture ne désigne pas un seul fils de Lamech, comme dans les générations précédentes, mais plusieurs, parce qu'il était incertain quel devait être son successeur, si le déluge ne fut point survenu. Mais de quelque façon que l'on compte les générations de Caïn, ou par les aînés, ou par les rois, il me semble que je ne dois pas passer sous silence que Lamech, étant le septième en ordre depuis Adam, l'Écriture, qui lui donne 3 fils et 1 fille, parle d'autant de ses enfants qu'il en faut pour accomplir le nombre 11, qui signifie le péché. En effet, comme la loi est comprise en 10 commandements, d'où vient le mot décalogue, il est hors de doute que le nombre 11, qui passe celui de 10, marque la transgression de la loi, et par conséquent le péché. C'est pour cela que Dieu commanda, Exode 26, 7, de faire 11 voiles de poils de chèvre dans le tabernacle du témoignage, qui était comme le temple portatif de son peuple pendant son voyage, attendu que cette étoffe fait penser au péché, à cause des boucs qui doivent être mis à la gauche. Aussi, lorsque nous faisons pénitence, nous nous prosternons devant Dieu couverts d'un cilice, comme pour dire avec le psalmiste, « Mon péché est toujours présent devant moi. » Psaume 55. La postérité d'Adam par le fratricide qu'a infini donc au nombre de 11, qui signifie le péché, et ce nombre est fermé par une femme, dont le sexe a donné commencement au péché par lequel nous avons tous été assujettis à la mort. Et ce péché a été suivi d'une volupté charnelle qui résiste à l'esprit, d'où vient que le nom de cette fille de Lamech signifie volupté. Mais le nombre 10 termine les générations descendues d'Adam par 7 jusqu'à Noé. Ajoutez à ce nombre les 3 fils de Noé, dont 2 seulement furent bénis, et l'autre fut réprouvé à cause de ses crimes, vous aurez 12. Nombre illustre dans les patriarches et dans les apôtres, et composé des parties du nombre 7 multipliées l'une par l'autre, puisque 3 fois 4 et 4 fois 3 font 12. Dans cet état de choses, il nous reste à voir comment ces 2 lignées, qui, par des générations distinctes, marquent les 2 cités, l'une des hommes de la terre, et l'autre des élus, se sont ensuite tellement mêlés ensemble que tout le genre humain, à la réserve de 8 personnes, a mérité de périr par le déluge. Chapitre 21. L'Écriture ne parle qu'en passant de la cité de la terre, et seulement en vue de celle du ciel. Il faut considérer d'abord pourquoi, dans le dénombrement des générations de Caïn, après que l'Écriture a fait mention d'Enoch, qui donna son nom à la ville que son père bâtit, elle les continue tout de suite jusqu'au déluge, où finit entièrement toute cette branche, au lieu qu'après avoir parlé d'Enos, fils de Seth, elle interrompt le fil de cette généalogie, en disant « Voici la généalogie des hommes ». Lorsque Dieu créa l'homme, il le créa à son image. Il les créa hommes et femmes, les bénit, et les appela Adam. Genèse 5, 1, 2. Il me semble que cette interruption a eu pour objet de recommencer le dénombrement des temps par Adam, ce que l'Écriture n'a pas voulu faire à l'égard de la cité de la terre, comme si Dieu en parlait en passant plutôt qu'il n'en tient compte. Mais d'où vient qu'après avoir déjà nommé le fils de Seth, cet homme qui mit sa confiance à invoquer le nom du Seigneur, elle y revient encore, sinon de ce qu'il fallait représenter ainsi ces 2 cités, l'une descendant d'un homicide jusqu'à un homicide, car Lamech avoue à ses 2 femmes qu'il a tué un homme. Genèse 4, 23, et l'autre, fondé par celui qui mit sa confiance à invoquer le nom de Dieu. Voilà, en effet, quelle doit être l'unique occupation de la cité de Dieu, étrangère en ce monde pendant le cours de cette vie mortelle, et ce qu'il a fallu lui recommander par un homme engendré de celui en qui revivait Abel assassiné. Cet homme marque l'unité de toute la cité céleste, qui recevra, un jour son accomplissement, après avoir été représenté ici-bas par cette figure prophétique. D'où le fils de Caïn, c'est-à-dire le fils de possession, pouvait-il prendre son nom, si ce n'est des biens de la terre dans la cité de la terre à qui il a donné le sien? Il est de ceux dont il est dit dans le psaume, ils ont donné leur nom à leur terre, psaume 48, 12. Aussi tombe-t-il dans le malheur dont il est parlé en un autre psaume, Seigneur, vous anéantirez leur image dans votre cité, psaume 72, 20. Pour le fils de Seth, c'est-à-dire le fils de la résurrection, qu'il mette sa confiance à invoquer le nom du Seigneur. C'est lui qui figure cette société d'hommes qui dit « Je serai comme un olivier fertile en la maison du Seigneur, parce que j'ai espéré en sa miséricorde. » Psaume 51, 10. Qu'il n'aspire point à la vaine gloire d'acquérir un nom célèbre sur la terre, car « Heureux celui qui met son espérance au nom du Seigneur, et qui ne tourne point ses regards vers les vanités et les folies du monde. » Psaume 39, 5. Après avoir proposé ces deux cités, l'une établie dans la jouissance des biens du siècle, l'autre mettant son espérance en Dieu, mais tous deux sortis d'Adam comme d'une même barrière pour fournir leur course et arriver chacune à sa fin. L'Écriture commence le dénombrement des temps, auquel elle ajoute d'autres générations en reprenant depuis Adam, de la postérité de qui, comme d'une masse justement réprouvée, Dieu a fait des vases de colère et d'ignominie, et des vases d'honneur et de miséricorde, Romains 9, 23. Traitant les uns avec justice et les autres avec bonté, afin que la cité céleste, étrangère ici-bas, apprenne, aux dépens des vases de colère, à ne pas se fier en son libre arbitre, mais à mettre sa confiance à invoquer le nom du Seigneur. La volonté a été créée bonne, mais muable, parce qu'elle a été tirée du néant, ainsi, elle peut se détourner du bien et du mal, mais elle n'a besoin pour le mal que de son libre arbitre, et ne saurait faire le bien sans le secours de la grâce. Chapitre 22. Le mélange des enfants de Dieu avec les filles des hommes a causé le déluge qui a anéanti tout le genre humain, à l'exception de 8 personnes. Comme les hommes, en possession de ce libre arbitre, croissait et s'augmentait, il se fit une espèce de mélange et de confusion des deux cités par un commerce d'iniquité. Et ce mal prit encore son origine de la femme, quoique d'une autre manière qu'au commencement du monde. Dans le fait, les femmes de la cité de la terre ne portèrent pas les hommes au péché, après avoir été séduites elles-mêmes par l'artifice d'un autre. Mais les enfants de Dieu, c'est-à-dire les citoyens de la cité étrangère sur la terre, commencèrent à les aimer pour leur beauté. Genèse 6, 1. Laquelle véritablement est un don de Dieu, mais qu'il accorde aussi aux méchants, de peur que les bons ne l'estiment un grand bien. Aussi les enfants de Dieu ayant abandonné le bien souverain qui est propre aux bons, se portèrent vers un moindre bien comme un aux bons et aux méchants, et épris d'amour pour les filles des hommes, ils abandonnèrent, afin de les épouser, la piété qu'ils gardaient dans la sainte société. Il est vrai, comme je viens de le dire, que la beauté du corps est un don de Dieu. Mais comme c'est un bien misérable, charnel et périssable, on ne l'aime pas comme il faut quand on l'aime plus que Dieu, qui est un bien éternel, intérieur et immuable. Lorsqu'un avare aime plus son argent que la justice, ce n'est pas la faute de l'argent, mais celle de l'homme, il en est de même de toutes les autres créatures, comme elles sont bonnes, elles peuvent être bien ou mal aimées. On les aime bien quand on garde l'ordre, on les aime mal quand on le pervertit. C'est ce que j'ai exprimé en ces quelques vers dans un éloge du cierge. Toutes ces choses, Seigneur, sont à vous et sont bonnes, parce qu'elles viennent de vous, qui êtes souverainement bon. Il n'y a rien de nous en elles que le péché, qui fait que, renversant l'ordre, Nous aimons, au lieu de vous, ce qui vient de vous. Quant au Créateur, si on l'aime véritablement, c'est-à-dire si on l'aime lui-même sans aimer autre chose à la place de lui, on ne le saurait mal aimer. Nous devons même aimer avec ordre l'amour qui fait qu'on aime comme il convient tout ce qu'il faut aimer, si nous voulons être bons et vertueux. D'où je conclus que la meilleure et la plus courte définition de la vertu est celle-ci, l'ordre de l'amour. L'épouse de Jésus-Christ, qui est la cité de Dieu, chante pour cette raison dans le Cantique des Cantiques, « Ordonnez en moi la charité ». Cantique 2, 4. Pour avoir confondu l'ordre de cet amour, les enfants de Dieu méprisèrent Dieu et aimèrent les filles des hommes. Or, ces deux noms, enfants de Dieu, filles des hommes, distinguent assez l'une et l'autre cité. Bien que cela fût aussi enfants des hommes par nature, la grâce avait commencé à les rendre enfants de Dieu. En effet, l'Écriture sainte, dans l'endroit où elle parle de leur amour pour les filles des hommes, les appelle aussi anges de Dieu, ce qui a fait croire à plusieurs que ce n'étaient pas des hommes, mais des anges. Note. C'est sans doute pour une cérémonie en l'honneur du cierge pascal que saint Augustin avait composé les vers cités plus haut. Il est à propos de rappeler ici que parmi les écrits inédits de saint Augustin publiés par Michael Denis, à Vienne, en 1792, il s'en trouve un, le premier, qui a pour sujet le cierge pascal, ce qui fait que l'éditeur l'a intitulé « De Cereo Pasquali » au lieu des mots « In Sabbato Sancto » que porte le manuscrit. Au surplus, ce petit écrit, tout semé de comparaisons puériles, n'est probablement pas de saint Augustin. Marc M. Dan, archive.org, 2019, d'après abbaye-saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial partage à l'identique.